Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête de la science 2019. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, toutes les sciences sont en fête dans le pays et jusqu'à dimanche même. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui la marraine de cette édition 2019, la scénariste et dessinatrice Marion Montaigne. Et puisque dans la méthode scientifique, c'est un peu la fête de la science tous les jours, vos chroniqueurs favoris se sont emparés de questions que vous leur avez posées sur Twitter et vont tâcher d'y répondre de la façon la plus claire et la plus concise précise. Comme chaque jour, jusqu'à preuve du contraire. Table ronde actu spéciale fête de la science, c'est le programme de Bamboche qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, l'esprit est à la joie et à la fête autour de cette table et nos convives sont évidemment affublés, comme vous l'imaginez, de langues de belle-mère, de cotillons, de chapeaux pointus et évidemment eh bien, de tubes de bec benzène et de tubes à essai. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Du magazine de la recherche et donc la marraine de cette fête de la science 2019, Marion Montaigne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la méthode scientifique. Vous êtes autrice, dessinatrice, Tu mourras moins bête sur Internet, en papier chez Delcourt également, en animation sur Arte, dans la combinaison de Thomas Pesquet à la Musardine. Non, pardon. Thomas Pesquet chez Dargaud. Oui, bon, on se dit que dans la combi de le Pesquet, évidemment, l'ambiguïté est un peu... Bref, on en reparlera tout à l'heure. Mais avant d'entamer les festivités, avec elle, la science est une fête jour après jour, surtout en cette semaine de prix Nobel, le journal des sciences, aujourd'hui avec Natacha Trioux et Antoine Beauchamp, bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Premier sujet de ce journal cette semaine, Natacha, c'était la folle semaine des remises des prix Nobel. On revient sur cette édition 2019. On a commencé lundi avec le prix Nobel de médecine. Il a été attribué à William Kelling, Greg Semensa et Peter Radcliffe pour leurs travaux communs sur l'hypoxie. Mardi, le prix Nobel de physique est revenu à trois autres chercheurs, James Peeble pour ses travaux en cosmologie et Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la toute première exoplanète. Et enfin mercredi, le prix Nobel de chimie a été attribué à un autre trio, John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino pour leur invention de la batterie lithium-ion. Alors chacun de ces prix récompense des découvertes majeures, mais de nombreuses critiques ont été émises cette semaine. Celle du manque de parité, 9 lauréats, soit le maximum possible et pas une femme. Et autre critique, l'âge des lauréats. Une dot de plus de 800 000 euros environ, hein, qui ne revient plus à la jeune recherche. John Goodenough a 97 ans par exemple. Donc est-ce que l'esprit des prix Nobel n'est pas dévoyé? On retourne dans le testament d'Alfred Nobel avec Antoine Jacobin, ancien correspondant à Stockholm et auteur du livre « Histoire du prix Nobel » aux éditions François Bourin. Alors, il voulait récompenser des personnes qui ont œuvré pour le bien de l'humanité. Ça, c'est un peu le chapeau général pour les 5 disciplines qu'il a décidé d'instaurer dans son testament. Et ensuite, il précise davantage pour chacun des disciplines le genre de profil de personnes qu'il souhaiterait voir récompensées. Et donc, pour les prix scientifiques, il dit lui-même qu'il fallait que ça soit pour des découvertes faites dans l'année en cours. Et donc, il fallait trouver parmi les inventeurs de l'époque, les savants, etc., ceux qui avaient fait la découverte de l'année la plus intéressante. Les premiers prix, ça va à la découverte de sérums qui permettent de traiter des maladies comme le typhus et autres. Après, effectivement, on peut imaginer que grâce à cette somme, un inventeur peut aller de l'avant dans ses découvertes. Ça paraît logique, effectivement, que ça puisse ensuite être réinvesti. Le fait est, en revanche, que à la suite de certaines erreurs dans les choix de lauréats, on a décidé au fil du temps d'être beaucoup plus précautionneux et d'attendre que certaines inventions ont bien fait leurs preuves. C'est un principe de précaution qui peut s'expliquer quand on regarde un peu l'histoire des prix de médecine par quelques erreurs Je parle par exemple de la lobotomie, un prix accordé en 1949 à un Portugais, Monsieur Moniz. Et puis par exemple, un an avant aussi, il y avait un Suisse qui avait été récompensé pour ses travaux sur le DDT. C'était utile contre le paludisme à l'époque, mais on ignorait alors que, bien sûr, tous les dégâts que peuvent causer le DDT sur l'environnement. En bref, selon le dernier rapport du Climate Accountability Institute, 20 entreprises produisent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce rapport, les déclarations annuelles de production des géants des énergies fossiles ont été analysées pour ensuite pouvoir calculer les quantités de méthane et de CO2 émises. Depuis 1965, 20 entreprises ont généré plus de 480 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. 12 d'entre elles sont des entreprises d'État, 4 sont américaines, et une société française, Total, fait partie de cette liste. En bref, toujours et bon appétit. Pour la première fois à bord de la Station Spatiale Internationale, une imprimante 3D vient d'imprimer de la viande artificielle. Oui, elle a été dégustée par les astronautes de l'ISS. C'est une collaboration internationale. L'imprimante 3D vient du laboratoire russe 3D Bioprinting Solution. Et l'encre, entre guillemets, a été préparée par des équipes américaines et israéliennes. Pour produire cette viande artificielle, des cellules bovines ont été cultivées pour former des tissus musculaires recréés en conditions d'apesanteur. C'est plus facile à produire dans l'espace que dans des conditions de gravité terrestre. Et on vient d'apprendre le décès d'Alexei Leonov, le premier homme à être sorti dans l'espace. Une première historique le 18 mars 1965, une sortie qui dura 12 minutes pour la mission soviétique Voskhod 2, diffusée en direct à la télévision. Le cosmonaute russe était alors relié au vaisseau avec une simple corde. Alexei Leonov est mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Hier, la compagnie américaine ILS a lancé son satellite MEV-1, le premier remorqueur spatial. Nous en parlions cette semaine dans la méthode scientifique. Après les embouteillages dans l'espace, voici le dépannage spatial. Le MEV, pour Mission Extension Vehicle, a pour objectif de ravitailler un autre satellite en vol. Le satellite de télécommunication Intelsat 901, qui est en orbite depuis 18 ans. Alors, il ne devait marcher que 13 ans, mais il fonctionne encore très bien, sauf que problème, il manque de carburant pour se maintenir sur l'orbite géosynchrone sur laquelle il se tient. L'opérateur de télécom a donc décidé de faire appel à une dépanneuse de l'espace pour lui fournir de l'ergol. Cela devrait lui permettre de poursuivre sa mission pendant encore 2 ans, voire 5. Le MEV-1 a donc une durée de vie de 15 ans. Il a suffisamment d'ergol pour ravitailler d'autres engins. Prolonger la vie des satellites de cette façon, c'est une opération inédite. Stéphane Bérivin est chef du service architecture plateforme télécom au CNES à Toulouse. Donc on a notre MEV-1 qui sera parti depuis 3-4 mois. Lorsqu'il va commencer à s'approcher de l'orbite finale, le satellite Intelsat 901 va commencer à bouger aussi. Tout simplement parce que c'est une mission très innovante qui n'a jamais été faite. Et on ne veut pas, en cas de problème, générer des débris à l'endroit qui est important pour la mission. Donc ce que va faire Intelsat 901, c'est qu'il va bouger à une orbite un peu plus haute, environ 300 km au-dessus de l'orbite géo, on appelle ça une orbite cimetière. C'est-à-dire que si jamais il arrive quelque chose à cette orbite-là, il n'y aura pas de conséquences pour les futurs services opérationnels. Le MEV va s'approcher progressivement et ensuite il va commencer sa manœuvre d'approche finale. C'est une phase très délicate parce que le satellite Intelsat 901, le satellite client, n'a pas été conçu pour pouvoir être attrapé par un autre satellite. Donc, ce qui a été choisi par les ingénieurs de Northrop Grumman, qui a fabriqué le MEV-1, c'est de s'accrocher sur la tuyère d'apogée. C'est un moteur qui est utilisé juste au début de vie du satellite, qui n'est plus utilisé après. Donc, si jamais on l'endommage, c'est pas très très grave. Donc, il va s'accrocher, il va attraper cette tuyère. Ensuite, il va s'en servir pour s'approcher encore plus et attraper un autre élément qui est l'interface lanceur pour faire de ces deux satellites un seul satellite. Et ensuite, une fois qu'il sera complètement accroché, c'est le MEV-1 qui va permettre à la mission de continuer, puisque lui, il a beaucoup d'ergol à bord, et il va pouvoir se servir de ses propres ergol pour pouvoir maintenir la position du satellite Intelsat 901. Ils vont redescendre tous les deux, donc ils sont accrochés, vers l'orbite opérationnelle finale. Nous vous avons parlé tout au long de la semaine de la remise des prix Nobel de médecine, de physique et de chimie, mais nous avons aussi parlé des mécanismes moléculaires du cycle de fertilité chez la femme. Et si on se penche sur l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, en ultra bref. En ultra bref, nous avons la preuve que de l'eau a coulé sur la surface de Mars. L'atterrisseur de la NASA Curiosity a analysé les roches du cratère Gale. Elles sont riches en sels minéraux. Selon l'étude parue dans Nature, le cratère contenait des lacs d'eau salée avant qu'il ne s'assèche il y a environ 3 3 milliards d'années. Cette semaine, on a découvert que Saturne avait 20 lunes supplémentaires. 17 d'entre elles sont sur des orbites rétrogrades, hein, c'est-à-dire qu'elles tournent dans le sens opposé à la rotation de la planète. Avec en tout ses 82 lunes, Saturne devient la planète de notre système solaire qui a le plus grand nombre de satellites. Et enfin, pour la première fois, en Sibérie, on vient d'extraire un diamant à l'intérieur d'un autre diamant en creux. On ne comprend pas comment une telle formation minérale est possible. Ce diamant en poupée russe a été baptisé diamant Matryoshka. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par la rubrique d'improbable logie. Dans la revue PLOS ONE, des chercheurs ont peint des vaches comme des zèbres pour mieux comprendre l'utilité des zébrures. Mais pourquoi les zébrures des zèbres? C'est une question à laquelle nous n'avions pas de réponse jusqu'à ce que des chercheurs japonais fassent cette expérience. Dans deux groupes différents, ils ont peint certaines vaches en zèbres, puis ils ont compté le nombre de mouches qui se sont posées sur elles. Résultat, celles peintes en zèbre attirent beaucoup moins de mouches que celles qui ne le sont pas. L'étude suggère que les rayures noires et blanches brouillent la vision des insectes et provoquent une sorte de camouflage. Donc pour faire fuir les mouches, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Natacha. Merci Antoine, merci Natacha. Peut-être un mot rapidement sur cette semaine de prix Nobel, Cécile. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On ne va pas rentrer dans le détail, on vient de l'entendre dans le journal des sciences, mais un mot général? Effectivement, il y en a eu 9 lauréats de prix Nobel scientifiques cette semaine, ce qui est le nombre maximum. On peut y avoir de 3 à 9, et sur les 9, il n'y a que des hommes, pas une seule femme, et je regrette ce que le message que cela renvoie à toutes les jeunes Marion Montaigne qui existent encore aujourd'hui et qui ne vont pas se lancer dans les sciences. Sylvain? Oui, moi je rejoins complètement Cécile sur ce point. C'est vrai qu'en physique, pour prendre le sujet que je connais le mieux, c'est vrai que du coup, l'année dernière, il y a eu Donna Strickland, prix Nobel de physique. Donc vous allez nous parler dans un instant d'ailleurs. Tout à fait, mais c'est vrai que c'était seulement la 3e femme à recevoir un prix Nobel de physique. Donc il y a eu bien sûr d'autres dans d'autres disciplines, mais oui, c'est assez problématique. Après, pour parler du coup des disciplines qui ont été recommencées, c'est vrai que bon, cette année, je pense que tous les journalistes qui ont pu une fois parler à Michel Mayor et à Didier Queloz sont ravis. Prix Nobel donc pour leur découverte de la toute première exoplanète. Voilà. Sont ravis parce stellaire. Ils étaient dans les petits papiers, je pense, du comité depuis longtemps. Donc c'est vrai que cette découverte de la première exoplanète date de 1995 déjà. C'est vrai que ça a ouvert un nombre de recherches hallucinant jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, plus de 20 ans après, on en connaît plus de 4000 exoplanètes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est donc la fête de la science toute la semaine, partout autour de vous, dans tout le pays, des animations, des conférences, des masterclass, des manips, des labos ouverts, bref, vous ne pouvez pas rater ça. On va vous mettre évidemment un lien vers le programme sur Twitter, c'est jusqu'à dimanche, et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui la marraine de cette édition 2019, Marion Montaigne. Alors, même si je pense qu'une écrasante majorité des auditeurs de la méthode vous connaissent, vous êtes celle qui est allée, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la combi de Thomas Pesquet. Comment est-ce qu'il fait chaud dans la combi de Thomas Pesquet, Marion Montaigne? C'est quoi la question? Comment c'est dans la combi et pas le combi de Thomas Pesquet? C'est compliqué, hein. C'est un sacré programme. Ça a été un gros travail de vulgarisation, parce que c'est un métier absolument hallucinant. Donc pendant 2 ans, j'ai collé au basque du pauvre garçon. Mais c'était super intéressant. Alors, on va revenir avant d'aller dans cette combi. Marion Montaigne, au début, c'est une aventure qui commence sur Internet. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, ce qui est important, hein, jusqu'à preuve du contraire, une fois de plus. Comment est née, en fait, l'envie de mettre votre dessin au service de la science ou d'aller vers la vulgarisation, en fait? Ben en fait, moi, depuis le collège, j'aime bien la science. J'ai vraiment une affinité, même avec la biologie. Mais je me suis un peu dévalorisée, comme beaucoup. Oui, aussi, parce que je pensais que pour être chercheur, fallait avoir 19 sans faire d'effort. Alors que moi, j'étais un peu besogneuse, donc je me suis dit que j'y arriverais pas. Et après, donc c'est comme ça que je me suis vengée en dessin. Maintenant, après, j'ai fait de l'art. C'est une vengeance, donc la vulgarisation, c'est une forme de vengeance. Alors, contre la science qui vous a rejeté. Après 25 ans de psychanalyse, je pense que... Non, mais c'est vraiment une... Comme d'autres sont toujours attirés par je sais pas, le tennis, etc. Moi, j'ai vraiment cette marotte. Je lisais beaucoup de magazines scientifiques. Et après, je faisais des BD pour les expliquer comme si je m'adressais à des amis. Parce que en vérité, je saoulais tout le monde avec ça. Donc, autant faire un blog et la raconter. Parce que moi, ça me fascine. Enfin, j'adore apprendre. J'adore aller à la bibliothèque. Et je suis toute seule comme ça. J'ouvre un livre et j'ai compris appris un truc et vraiment je suis contente, je suis vraiment super contente et j'avais envie de le partager et donc c'est né comme ça sur un blog et puis après ça a évolué. Ce que je veux dire, c'est que dès le début, vous faisiez comme ça des dessins. C'est-à-dire que vous avez comment est-ce qu'on essaye de mettre en dessin? Parce que pour essayer de faire de la vulgarisation, c'est quand même complexe. On manipule des choses, on réduit on fait des erreurs, on se trompe. Comment est-ce qu'on passe de la science au dessin, en fait, Marie Montaigne? Bah moi, je suis assez visuelle comme personne. Donc dès qu'un chercheur m'explique quelque chose, dès qu'il y a des métaphores visuelles ou moi je lui demande souvent des comparaisons. Je lui dis alors c'est comme si ça veut dire c'est comme si si je me prenais une vitesse, enfin une accélération de 6G, donc c'est comme si je faisais 6 fois mon poids, donc je multiplie, donc c'est comme si j'avais sur les genoux une vache charolaise. Donc moi directement je visualise et je trouve que c'est une expérience visuelle et conceptuelle qui frappe les gens en fait plus que des formules. Mais moi je me place vraiment comme le grand public qui a envie de comprendre et mais je pense que j'ai eu une culture un peu à il était une fois la vie mélangée à d'autres c'est pas sorcier qui était très graphique aussi avec plein de techniques visuelles et moi ça marche beaucoup plus que l'auditif, je suis comme ça et je trouve que c'est un outil formidable pour visualiser l'invisualisable et je sais qu'on va parler de physique quantique et ben je peux vous dire que à ce niveau-là c'est bien des fois d'avoir des supports quand on dépasse les échelles qui sont difficiles à concevoir en fait. Vos personnages du professeur ou de la professeure moustache plutôt de Nathanaël, ils sont nés tout de suite, vous les aviez ou ils sont arrivés comment? Ah ouais, j'ai fait ça super vite. Je crois que je m'ennuyais un été, j'avais pas de boulot, il pleuvait donc oui, c'est des personnages qui sont un peu des sortes d'alter ego en fait, des mélanges de lecture, c'est le prof, c'est un peu moi mais en pire. C'est bien en pire. Oh, bah, c'est il est ouais, non, je suis grossière. Non, il est grossier. Non, mais il traite un peu mal des fois le lecteur, il le secoue un peu, puis lui-même ou elle-même, un peu des deux. On voit que des fois il ment un peu, c'est-à-dire la prof est un peu de mauvaise foi quand elle rencontre des chercheurs, elle fait genre je suis à ton niveau, mais en fait parfois elle est complètement larguée. Donc c'est aussi un clin d'œil à moi quand je suis dans un laboratoire et que parfois le spécialiste voit qu'il est en train de me perdre. Donc c'est à la fois une manière de parler de la science, mais aussi de notre regard, de découvrir le monde des labos, de découvrir ce que c'est que la méthode scientifique, le processus des recherches, etc. Donc la prof est à la fois experte et novice en fait à chaque fois. C'est venu tout de suite ce système de carte postale? Ah ouais, je sais pas, je crois que ça m'a rappelé des. Alors. On peut le rappeler, peut-être expliquer comment oui, c'est venu, parce que à chaque fois, voilà. Oui, ça commence toujours par une carte postale d'un faux lecteur. Alors, des fois, je prends des questions de lecteurs. Et en fait, comme je suis vieille, ça m'a rappelé ces émissions. Vous êtes vieille, Marion Montaigne, voyons. Où on mettait souvent une jolie jeune femme plongeait la main dans un grand, je sais pas quelle émission, dans un grand cercle. Quand on tirait des cartes postales avec des adresses pour envoyer les cadeaux. Voilà, mais et oui, je ne sais plus quelle émission. Et j'ai cette image-là d'une charmante dame qui tirait une carte postale. Mais je crois qu'il y avait plein de jeux télé où on tirait effectivement des cartes postales et il y avait l'adresse et ça permettait de gagner le prix du jour, le machin. C'était les années 80. J'ai envoyé des cartes postales à des jeux, ça me rappelle des trucs. On en fera une. Des réminiscences. Bon, c'est pas hyper moderne, ça fait pas très numérique, mais j'ai encore une fois, c'est visuel, c'est des images que j'ai, et j'aimais bien cette idée de piocher une carte comme s'il y en avait des millions, et on met quelqu'un, patachou, pose cette question, etc. Et là, on part direct sur la pente. Je fais des signes à Cécile Lestienne, à Sylvain Guilbeault, si vous avez des questions, soyez les bienvenus si vous posez des questions à Marion Montaigne. Moi, j'aimerais savoir, Marion Montaigne, comment vous choisissez les questions auxquelles vous allez répondre? Est-ce que c'est de la stricte curiosité personnelle? Et comment vous travaillez un sujet? Comment ça passe de cette question à un moment donné à finalement la bande dessinée ou le strip, puisque c'est un strip vertical sur Internet? Alors souvent c'est des lectures, donc je lis régulièrement les revues. J'ai quelques sites aussi de référence. J'ai fouillé aussi, il y a certains sites aussi qui font un peu le boulot à ma place, qui vont un peu répertorier les recherches les plus emblématiques. Après j'essaye de les trouver en vrai. Sans oublier la radio, bien entendu. Évidemment. Bien entendu. Tous ces podcasts merveilleux. Non, mais si, en plus, c'est vrai, parce qu'après, je prends les noms, ça me permet de faire des bibliographies, de relire. J'aime beaucoup le travail de documentation. Et après, je vais me poser plein de questions. Enfin, je tire un fil sans fin. Par exemple, si je lis un truc sur comment les cils de l'œil dévient des poussières, évidemment, je vais essayer d'imaginer ce que ça fait si on rajoute du mascara, comment il fiche le mascara. Enfin voilà, ça va très loin. Après, je vais chercher d'autres recherches sur le mascara et après, on m'a perdu pendant un moment. Mais vous égarez un peu sur des chemins de traverse. Et en fait, des fois, c'est des questions de lecteurs, mais c'est assez rare parce que il m'arrive des fois, c'est des questions pas très visuel ou très rapide à répondre. Donc je fais une sélection. Et puis des fois, c'est des interrogations personnelles quand je vois dans un film si quelqu'un arrive à faire une trachéotomie avec un stylo bic. Le grand classique. Qui n'a pas essayé la trachéotomie au stylo bic chez soi? J'ai vraiment envie de savoir si ça fait mal, par exemple, des choses comme ça. Et je suis sûre qu'il y a la réponse que des gens ont essayé. Parce que c'est ça que j'aime bien chez les chercheurs. Il y en a forcément qui ont essayé. Cécile. Est-ce qu'il y a un fil que vous avez perdu? Est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous avez buté et que vous n'avez jamais réussi finalement à illustrer? Un sujet? Oui, en fait, j'ai c'est ce que je racontais. J'ai des fois des collégiens ou des lycéens qui me posent des colles en physique quantique ou en physique, mais haut niveau. Et là, je suis très, très mal. Je mobilise des amis. On est à 5 auteurs de BD à essayer de lui répondre. Il se rend pas compte qu'on est 5 ou 6. Et en fait, on n'y arrive même pas. Non, la physique et la chimie, c'est difficile. Ouais. Ça recoupe une autre question. Mais si, puisqu'on parle de physique quantique, Sylvain, ou de tropisme scientifique. Sylvain, non mais oui, justement sur la physique quantique, je sais, on dit souvent que la physique quantique, elle brise toutes les images auxquelles on peut être habitué, donc c'est difficile d'en trouver de nouvelles. Or, est-ce que vous avez trouvé des images, je sais pas, inhabituelles, nouvelles pour parler de physique quantique sans causer de crise cardiaque aux physiciens ou physiciennes que vous interrogez? Non, j'ai abandonné parce que j'ai un confrère qui l'a très bien fait, c'est Mathieu Burnia. Il a travaillé avec Thibaut Damour pour c'est Le Monde Quantique, je crois. Oui, c'est ça. Et là, il a mis le niveau trop haut. La théorie. Spécialiste de la théorie des cordes, notamment. Ouais, ouais. Ça rejoint un peu la question de Cécile Marie-Montaigne. Est-ce que du coup, depuis que vous faites ça, est-ce que vous aussi, quand vous êtes avec vos amis qui ont bu un coup ou deux, vous vous retrouvez avec ces questions genre « Ah, mais je comprends pas très bien pourquoi est-ce que la gravité, ça déforme le temps, raconte-moi. » Et d'un seul coup, il faut répondre à ça. Oui, mais... Je dis ça parce que c'est un exemple vécu. C'est plutôt, ça. C'est plutôt l'inverse. Ils n'osent plus rien demander parce que je vais sortir étaler ma science alors que... Et je vais finir par raconter des anecdotes horribles parce que ça finit toujours mal. Si j'ai la réponse, bien sûr, mais j'adore en fait. C'est vraiment par pur gai savoir que j'adore lire ces choses-là pour juste oublier le quotidien, les impôts et le loyer, quoi. Cécile, alors juste avant la question, Cécile, parce que cette anecdote, hein, pourquoi est-ce que la gravité, ça déforme le ton, raconte-moi. C'était en fin de soirée. J'ai essayé et j'ai échoué lamentablement, donc je me retourne vers Sylvain Guilbeault puisque c'est la fête aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique à quelqu'un pourquoi la gravité déforme le temps et pourquoi mes pieds vieillissent moins vite, plus vite que ma tête? Je me trompe à chaque fois. Non, mais je me trompe à chaque fois. Voilà, là, je sais pas si je l'expliquerai bien ici, mais à chaque fois qu'on va essayer d'expliquer quelque chose de contre-intuitif à quelqu'un, il y a plusieurs solutions et je pense qu'il faut taper dans plusieurs stratégies en fait. C'est effectivement déjà essayer de ramener cette chose à ce que quelqu'un peut expérimenter dans sa vie de tous les jours, même en expliquant que l'analogie a ses limites, parce que les analogies ont toujours leurs limites. Effectivement, quand on parle de gravité qui déforme le temps, les pieds vieillissent plus vite que la tête. Effectivement, parce que les pieds subissent plus le champ gravitationnel, puisque le pied est plus proche de la Terre que la tête, donc il subit plus le champ gravitationnel que notre tête. Et le fait que le temps ne se déroule pas à la même vitesse, entre guillemets, selon le champ gravitationnel, c'est un effet de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein qu'on comprend très bien lorsque le champ gravitationnel, et qu'on expérimente même quand le champ gravitationnel est très fort. Alors c'est pas tout à fait le cas au niveau de la Terre, puisque le champ est assez faible, mais on peut faire des calculs théoriques qui montrent qu'au bout de notre vie, eh bien effectivement nos pieds sont plus vieux que notre tête. Mais bon, pas au point d'avoir des rides aux pieds et pas notre visage. C'est un autre problème de biologie. Cécile Estienne. Oui, une question. Maintenant que vous avez porte ouverte dans les laboratoires, en tout cas dans certains laboratoires, est-ce que vous avez retrouvé, découvert parmi les jeunes chercheurs, les doctorants, des chercheurs qui ont eu la vocation en lisant vos BD ? J'ai eu en dédicace des jeunes médecins qui commencent leurs études de médecine et qui m'ont dit qu'ils me lisaient adolescent. Puis je suis un sacré coup. Non. Ça évidemment, alors je le disais tout à l'heure, hein, tu mourras moins bête, il y a Internet, ça a été décliné en série d'animation sur Arte. Le cinquième tome sort le 30 octobre, je crois, chez Dargo. Non, chez Delcourt, pardon. Chez Dargo, c'est la combi de Thomas Pesquet. Alors justement, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie, est-ce que la science, c'est toujours un champ que vous explorez avec plaisir aujourd'hui, c'est inépuisable, ou est-ce qu'à un moment donné où vous avez envie peut-être d'aller voir un peu ailleurs et de raconter d'autres histoires? C'est sûr, c'est inépuisable, ça j'en suis persuadée. Après, c'est plus, peut-être que j'essaierai autre chose. Moi, tant que j'ai de la curiosité, je pense que j'aime bien toujours garder un œil dessus, juste par satisfaction. Mais je sais que même si je faisais de la fiction, je pense que je me documenterais comme une maboule. Si je dois faire un dentiste, je suis sûre que, l'histoire d'un dentiste, je suis sûre que je regarderai tous les comptes Instagram de dentistes, tous les livres, toutes les encyclopédies, les caries. Je peux pas m'en empêcher. Là aussi, ça rebondit un peu sur la question de Cécile tout à l'heure. Hormis la physique quantique, le sujet qui vous a donné le plus de fil à retordre, celui où vous avez accumulé une documentation débordante et duquel vous avez eu du mal à vous sortir. Je crois que c'est le spatial en travaillant sur le livre sur Thomas Pesquet, parce que moi, je ne pouvais pas non plus le suivre 24-24, le pauvre. Donc, je le voyais à certains moments, à certains entraînements clés, plutôt visuels et possibles à regarder. Mais entre-temps, moi, j'essayais de me documenter à mort, pour ne pas lui poser des questions trop bêtes dont il aurait... où je pourrais trouver la réponse ailleurs. Deux, parce que je voulais pas non plus le déranger, parce qu'il y a eu un moment où je pouvais le contacter quand il était dans l'espace, mais je me disais il a quand même autre chose à faire, donc il faut que je me documente encore plus à mort pour que lui poser vraiment des questions vraiment qui nécessitent son point de vue. Et donc ça a été le plus compliqué pendant 2 ans, ça a été de vraiment trier l'info, de la mettre dans l'ordre. En plus, moi j'avais vraiment envie d'aborder des choses tout de suite très très techniques, et quand je parlais du projet à des amis ou des proches, je me rendais compte que certains pensaient que il y avait encore Mir, qu'il allait dans Mir. Quelqu'un m'a dit mais il tourne autour de la Lune, il part avec la navette spatiale. Donc là je me suis dit oh non, avant de parler de ce que je trouve fun, il va falloir que j'explique que non, la navette c'est fini. Non, la Mir c'est fini. Depuis Paco Rabanne. Ouais. Ah oui, j'ai dû parler. Paco Rabanne, j'ai raté. Donc voilà, ça a été tout. Il y avait vraiment il fallait mettre un certain ordre, trouver des astuces pour justement à amener ces infos sans que ça prenne non plus trop de temps, parce qu'on avait envie de suivre le personnage. Donc voilà, ça a été tout un... je crois qu'en plus, il y a une masse de documentation folle. Je lisais des trucs, mais j'ai même pas... Par exemple, quel est le truc le plus fou que vous ayez lu pour connaître l'intérieur de la combi de Thomas Pesquet? Est-ce que je vais filer cette métaphore pénible pendant toute l'émission? C'est possible. Moi, j'ai envie de faire un tome, le combi de Thomas Pesquet. Non, mais il y a plein d'anecdotes. Il faudra plus de renseignements sur l'automobile, du coup. Non, mais il y a plein de... En fait, tout ce qui est dans l'espace est compliqué et a des comportements complètement différents de sur Terre, parce qu'il n'y a plus de gravité. Mais par exemple, il y a une équipe qui avait... qu'on retrouvait, il y a une fuite d'huile une fois, et ils ont ouvert un placard, et là, il y avait une boule d'huile grosse comme... une balle de basket, en fait. Et l'un des astronautes, je crois, se l'est pris au visage. Donc, c'est très grave parce que ça colle au visage. Bon, en plus, c'est de l'huile. Et alors, je me demande comment il se l'est pris. Mais je trouve tout est hallucinant comme ça. Tout a un comportement bizarre. Il y a une masse d'objets qui fait que des fois, ils perdent les instruments. Et perdre un instrument dans l'espace, c'est pas cool. La NASA n'aime pas, parce que si vous devez traverser tout le reste de la station spatiale pour aller demander à votre collègue où est la clé à molette 12, vous perdez 20 minutes de temps de travail d'un astronaute. C'est des millions. Très précieux, ça. C'est plein de détails comme ça. Vous pouvez y passer un temps fou à vous documenter. Tout a son sens, tout a son rôle. Vous pouvez être sûr qu'il y a 14 ingénieurs qui ont étudié toute la moindre question, le moindre problème. C'est infini. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez rêvé de poser à Thomas Pesquet? Maintenant, c'est terminé. Vous pouvez nous le dire. Vous pouvez tout dire. On est entre nous. La méthode scientifique, c'est confidentiel. Non, je sais pas. J'aurais bien voulu voir l'état de ses pieds. Parce qu'il paraît qu'ils ont plus de cornes aux pieds. J'ai pas osé parce qu'il y avait autre chose à faire. Et que ceux qui sont restés un an, ils ont de la peau de bébé. Alors, je sais pas. Je vais voir, prendre une photo. Ce qui recoupe notre... Ils ont les pieds plus jeunes, en fait, ça inverse. Oui, absolument, forcément, puisqu'il n'y a plus de gravité qui s'exerce, mais bien sûr. Tout s'explique. La cohérence de cette émission me sidère littéralement. Je vous assure que ce n'était pas préparé. Un mot pour conclure, Marion Montaigne. Donc, Tu mourras moins bête, c'est chez Delcourt, le prochain tome, le tome 5, le 30 octobre. Quelles questions vous répondez dans ce nouveau tome? Je suis allée voir un spécialiste des bras bioniques qui m'a. On a parlé de plein de trucs. J'ai parlé des cils et de la longueur des cils. Et en fait, c'est des de fil en aiguille. Ça y est, je suis partie trop loin. J'ai découvert qu'il y avait des chercheurs qui avaient calculé vraiment la surface totale de poils que devait se lécher un animal, par exemple. Mais vraiment, s'il devait lécher toute la surface. Donc, un chat doit lécher l'équivalent d'une table de ping-pong. Une abeille d'un toast, et je crois que le castor ou la loutre, c'est équivalent d'un terrain de hockey. C'est super, non? Alors après, je suis partie et je me suis documentée sur les poils pendant 3 mois. Donc, quoi d'autre? Je me suis vraiment demandé si Skynet était si intelligent que ça, comme intelligence Skynet, artificielle. Skynet, c'est l'ordinateur méchant de Terminator. Et en fait, il fait énormément d'erreurs. J'ai demandé à des roboticiens qui disent qu'il avait beaucoup d'autres techniques pour tuer des humains beaucoup plus efficacement. Que de créer des Terminators. Oui, où il y avait des... Oui, là, qui a utilisé des virus ou des drones où ça aurait été beaucoup plus rapide ou voilà, qui t'a téléporté, ça aurait été plus efficace. On parle CRISPR-Cas9, on parle du clitoris même. Oui, parce que ça a été vraiment étudié anatomiquement très récemment en 98. On a eu l'idée de le passer dans un IRM et là, on s'est rendu compte que c'était assez grand, plutôt. Dans des 10 cm, qui est parfois plus grand que certains organes masculins au repos. donc voilà. Comment rebondir? Allez, Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, tome 5. C'est chez Delcourt. Marion, vous restez avec nous. On va faire comme vous hein, pour cette fête de la science. On a des cartes postales, des cartes postales numériques que nous avons demandé à nos amis sur Twitter qui ont posé des questions pas toujours très simples à nos visiteurs du vendredi. On y vient dans quelques minutes. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire. Assiette au beurre, route au tampon, boutique de bois, la fête est là. Qui s'installe en colimaçon, on y est chez soi, central, à la. La la la la la la, visez la baraque des lutteurs. Les biceps sont à la parade. Allez-y donc, les amateurs. Les filles aiment bien la rigolade. La la la la la la. On va vider toutes les tirelires, on va s'en payer un bon coup. Les ennuis ce soir, on s'en fout, la fête est là. Ce qu'on va rire. La femme poisson et la femme tron, elles prennent la vie par-dessus la jambe. Et pour 20 balles, donnent l'illusion que c'est une vraie corvée d'être un gambe. La la la la la la. Y'a les manèges qui tournent en rond, y'a les jupons qui volent au vent, y'a les durs qui font un carton, y'a les moupis, regarde tout content. La fête est là, Juliette Gréco, parce que oui, la fête est là, la fête de la science. Voilà, c'est la fête dans la méthode scientifique aussi, puisque c'est la fête de la science, donc toute cette semaine, hein, jusqu'à dimanche, autour de la table, Marion Montaigne, on en a parlé dans la première partie, on a pu parler un peu de ce qui est la marraine de cette fête des sciences, et puis on va reprendre eh bien, un peu le fil de nos vendredis consacrés à l'actualité des sciences et de la recherche, mais version fête de la science, puisque nous avons demandé de nous poser les questions scientifiques qui vous tarabustent cette semaine sur Twitter, mais nous avons aussi proposé à nos chroniqueurs et à nos chroniqueuses du vendredi de venir avec leur sujet préféré du monde entier, de l'univers carrément. Cécile, vous, c'est une histoire de plume qui vous est très chère. Oui, c'est le tapirage. Alors, je tiens à dire que c'est aussi parce que c'est la fête de la science, pour la science, que j'ai choisi cet article. Nous avons chacun choisi un article cette semaine et on le met en avant gratuitement parce que le site de Pour la Science est une mine, mais il n'est pas en accès gratuit, en tout cas pas entièrement. Et donc aujourd'hui, vendredi, c'est le tapirage. Je vous suggère d'aller voir le papier de plus près. Alors, qu'est-ce que c'est que le tapirage? Alors le tapirage, c'est une pratique qui est des Indiens d'Amazonie, voilà, qui consiste, je vous donne la recette, vous prenez un perroquet vert, vous le plumez, vous l'enduisez d'une certaine mixture et les plumes... Et au four pendant deux... Pardon, pas du tout. Excusez-moi, oui, bah forcément. L'oiseau est vivant, il reste vivant. Voilà. Et après la repousse, il a des plumes rouges ou jaunes, par exemple. Voilà. Et, une sorte de teinture, un régicolore pour oiseaux. Exactement, mais c'est quand même c'est une vraie énigme pour les chercheurs. Et bon, ce sujet me tient à cœur parce que je pense que c'est un sujet pour Marion Montaigne, à mon avis, très visuel. Et aussi parce qu'effectivement, ça montre à la fois que les chercheurs sont capables de s'intéresser à des sujets absolument poétiques, sublimes et sans d'ailleurs trouver toutes les réponses parce qu'on n'a pas du tout tous les secrets encore du tapirage. Voilà. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à faire changer la couleur des plumes? Déjà, pourquoi c'est coloré les plumes d'un oiseau? Parce qu'il y a différentes façons de colorer les plumes d'un oiseau. Il y a les flamants roses qui mangent des crevettes en leur plume rose, et puis il y a les perroquets. Oui. La couleur des plumes d'un oiseau viennent soit de pigments, justement, alors que ce sont des pigments soit qu'ils ont été ingérés, soit que l'oiseau produit lui-même, comme la mélanine, soit ça vient des structures de la plume, voilà, qui reflètent la lumière de façon particulière. Et c'est, voilà. Donc, ou c'est les deux en même temps. D'ailleurs, chez les perroquets, c'est souvent les deux en même temps, en tout cas chez les perroquets qu'a étudié Serge Berthier, le physicien qui est à l'Institut des nanosciences de Paris et qui nous avait écrit cet article. Mais la première question qu'on peut se poser avant de savoir pourquoi il y a des couleurs dans les plumes des oiseaux, c'est aussi pourquoi les Indiens faisaient cette chose assez particulière de plumer ainsi les oiseaux. Alors, parce qu'après tout, s'ils voulaient des plumes rouges, il y a aussi des oiseaux à plumes rouges ou jaunes en Amazonie. Mais c'était pas... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on les retrouve dans des coiffes magnifiques que vous pouvez voir au Quai Branly. C'est aussi gratuit jusqu'à la fin du week-end, je crois, ou en tout cas jusqu'à ce soir. Parce que, en fait, c'était aussi une façon de personnaliser les oiseaux. L'idée n'était pas de plumer entièrement les oiseaux, mais de juste d'enlever quelques plumes. Et ça, vous aviez un perroquet vert, par exemple, avec comme des petits tatouages rouges. C'était très joli. C'est une façon de personnaliser l'oiseau. Et ensuite, après, ils pouvaient en faire des parures. Mmh. Voilà. Après, on ne sait pas très très bien pourquoi ils faisaient tout ça, parce qu'ils ne le font quasiment plus. Il semblerait qu'il n'y ait plus qu'une seule population du Mato Grosso au Brésil qui le fasse encore. Enawenenawe. Exactement. Et bon, pour combien de temps encore, on ne sait pas. Et donc, les chercheurs se sont quand même intéressés à la façon dont se faisait le tapirage. Alors, je dois dire qu'ils ont essayé de faire le tapirage eux-mêmes et qu'ils n'ont pas réussi. D'accord. Pour l'instant. Alors d'abord, ça pose des questions un peu complexes de nos jours, parce que faire ça à un oiseau vivant, aujourd'hui quand même, l'expérimentation animale imposerait au moins d'anesthésier l'oiseau, parce que c'est donc... Arracher les plumes, ça ne doit pas être une expérience très agréable. Ce n'est pas très simple, voilà. Mais de toute façon, ils ont quand même essayé en prenant toutes les précautions dans les années 90. Enfin, une équipe brésilienne avait essayé et n'a pas réussi. Donc ce qui veut dire que les Indiens n'ont pas livré tous leurs secrets. Voilà. Donc, en revanche, on sait quelle mixture ils utilisent. Alors c'est un mélange toujours d'extraits animaux et végétaux. Il y a toujours des graines de roucou broyées, voilà, qui sont très riches en caroténoïdes, donc cette couleur orange, voilà. Dans la couleur et à la carotte, comme il l'indique. Voilà. Et puis souvent, notamment, ils prennent des extraits d'une petite grenouille, la grenouille atapirée d'ailleurs, qu'on appelle en français, voilà, qui est très jolie, jaune, bleu, noir, voilà, et très toxique. Ils s'en servent aussi pour empoisonner les pointes de leurs flèches, voilà. Mais ils ont fait aussi ça avec du caïman, du poisson-chat, du sang de tortue, enfin plein de choses différentes. Et donc ils créent cette mixture, et qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du coup cutané? Pourquoi est-ce que la mixture va finir par transformer la couleur de la plume? Est-ce qu'on sait ça? Non. Voilà. Merci Cécile, bonne journée. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme on n'est pas arrivé à arrêter l'expérience, ils ont quand même bien examiné les plumes avec notamment microscope à balayage électronique, et ils se sont effectivement aperçus que la mixture, d'une façon ou d'une autre, avait changé à la fois les pigments, notamment les mélanosomes dans les plumes, ont totalement disparu, et aussi la structure même de la plume qui ne reflète plus la couleur de la même façon. C'est-à-dire deux choses, c'est-à-dire que les mélanosomes, c'est les cellules qui vont teinter la plume, effectivement. Et oui, il y a c'est les granules de pigments, en fait, voilà. Qui teintent, voilà, qui donnent ce... chez ces perroquets une couleur jaune, voilà. Et des cristaux photoniques. Il y a aussi des cristaux photoniques sur la plume, oui, qui reflètent la lumière et qui donc lui donnent... Mais qui sont modifiés par cette pratique. Mais comment exactement, on ne sait pas. Et donc, on ne saura peut-être pas, parce que malheureusement, comme je te disais tout à l'heure, cette population, on ne sait pas encore pour combien de temps elle va pouvoir pratiquer ça. Et vous me direz à quoi ça sert. Mais c'est joli. Voilà. Et puis, mais à quoi ça sert de comprendre. Et bah, à faire plaisir à Marion Montagne, déjà, qui il faut toujours comprendre. Ça. Voilà, qui va partir dans le pagne des Indiens. et puis c'est merveilleux du Mato Grosso. De voir qu'effectivement les chercheurs sont capables de passer du temps à découvrir des choses. On ne sait jamais absolument à quoi ça peut servir. Peut-être qu'on va trouver le secret de la teinture pérenne. Une fois pour toutes, vous serez teint en blond platine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. En tout cas, pour connaître et pour comprendre et avoir plus de détails sur cette technique du tapirage, vous pouvez aller sur le site de Pour la Science avec cet article qui est en accès gratuit. On vous met le lien, bien sûr, sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique à Ta Méthode FC. Puisqu'on est sur Twitter, eh bien, la question qui vous a été posée cette semaine, Cécile, j'aimerais bien avoir un grand mot pour tirer la carte postale. Marion, est-ce que vous voulez tirer, la lire? Ouais, je tire, voilà. C'est une question de Hatt Forer. Cécile, combien de temps pourrais-je, donc personnellement, moi-même, Nicolas Martin, survivre? Combien de temps survivrais-je, Cécile, si j'étais subitement transféré au Moyen-Âge, dans l'Antiquité ou avec Néandertal? C'est-à-dire, la question, c'est de dire que, comme les virus, les microbes, les bactéries, l'alimentation, l'air, tout ça était très dangereux, les virus étaient peut-être plus nombreux, différents, plus virulents. Est-ce qu'il y a une sorte de viro-anthropologie? Demande Hatt Forer. Absolument. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Mais tout dépend. Alors, vous, Nicolas Martin, probablement, vous allez survivre un bon moment. Tout dépend. Effectivement, parce que je suis très grand et très musclé. À quelle époque vous êtes transféré? Si vous êtes un homme ou une femme, de votre âge, si vous avez moins d'un an, moins de 10 ans, moins de 20 ans, dans quelle zone géographique aussi vous avez été projeté. Et puis, si vous partez dans le temps avec vos vaccins et vos antibiotiques. Si je pars sans vaccin, sans antibiotiques et sans mon petit vanity case, auquel je tiens tant en voyage au bout de l'autre bout du monde. Et plus on remonte dans le temps, effectivement, moins on a de données fiables et surtout de données exhaustives sur la santé de nos ancêtres. Mais on n'a pas rien, notamment parce qu'on retrouve des choses sur les squelettes. On peut voir l'état des os, les fractures. Parfois, certaines maladies infectieuses laissent des traces, comme la tuberculose. Aujourd'hui, avec la paléogénétique, on retrouve aussi d'autres données. On peut même, avec des analyses chimiques, savoir qu'est-ce que mangeaient les hommes, nos ancêtres à différentes époques. Donc on a quand même des données. Alors, pour la préhistoire par exemple, on peut penser que les maladies devaient être les mêmes, sauf que les maladies infectieuses devaient être probablement moins répandues. Alors, les enfants mourraient comme des mouches très probablement quand même, mais parce que en fait, c'est au moment du néolithique, au moment de l'agriculture, de la sédentarisation, que les maladies infectieuses ont pris une ampleur particulière, parce que d'abord à cause des animaux. On dit qu'aujourd'hui, 60% des maladies infectieuses sont d'origine animale aujourd'hui. Donc voilà, la proximité avec les animaux a fait que, et puis la proximité tout court a permis aux épidémies de se développer beaucoup plus fortement. Mais plus que évidemment les petits groupes sédentaires qui, une fois que la maladie avait fait le tour et que tout le monde était plus ou moins vacciné. Exactement. Mais on peut penser que si on regarde un peu comment vivent les quelques rares populations qui vivent encore comme les chasseurs-cueilleurs, on peut penser quand même que les enfants, que jusqu'à 40% des enfants mouraient avant l'âge de 15 ans, donc votre expérience de vie n'était pas si grande que ça en moyenne, mais vous n'aviez pas de caries par exemple. Et puis vous étiez effectivement extrêmement dépendant de la nourriture autour de vous. Donc ça dépend, Nicolas, est-ce que vous savez reconnaître une carotte sauvage? Est-ce que vous savez attraper un lapin? Est-ce que vous savez tirer sur un auroch avec votre lance? Voilà, je répondrai oui à au moins une de ces questions, mais vous ne saurez pas laquelle. Donc ça c'est des données importantes pour savoir ce qui va se passer après. Alors au néolithique, les choses effectivement se compliquent, notamment avec l'apparition disparition des maladies. Et puis après aussi avec, si vous étiez projeté au Moyen-Âge par exemple, une des autres causes de mortalité, ce sont les famines, les grandes famines. Alors, par exemple, en vers 1315-1317, c'est une grande famine en France où on estime qu'il y a entre 5 et 10% de la population qui sont mortes. Voilà. Et comme vous le savez sûrement, quelques années plus tard, il y a eu la grande peste noire. Mais je le sais parce que nous avons fait une émission sur l'histoire de la peste, voilà. Cécile Voyon, dont nous allons vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Et là, les estimations varient, mais on dit entre 25, 30, voire 50% des Européens seront morts en 5 ans. Donc c'est absolument énorme, ce qui explique une espérance de vie très, très, très courte. Et ensuite, si on se rapproche un petit peu de nous, rapidement, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, que les famines finissent par diminuer avec effectivement l'essor de l'agriculture. Les épidémies aussi, notamment parce que, quand même, avant même les antibiotiques, je rappelle, c'est 1942, hein, c'est pas si vieux, voilà. Il y a quand même eu des progrès à l'hygiène, Pasteur est passé par là, il y a eu les vaccins. D'ailleurs, il y a un truc assez intéressant à voir, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie était de 25 ans. Bon, les gens ne vivaient pas 25 ans, hein, c'est à cause de la mortalité infantile. On disait que 50% des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. En 1800, l'espérance de vie était de 30 ans. Et en 1810, 37 ans. Pourquoi tout d'un coup 37 ans? À cause du vaccin contre la variole. C'est une des raisons, en tout cas, mises en avant. Voilà. Et aujourd'hui, en France, les femmes ont une espérance de vie de plus de 85 ans et les hommes de près de 80 ans. Et nous avons, paraît-il, 18 000 centenaires. Eh bien, puisqu'on arrive dans le dernier quart d'heure de cette émission, on va passer à la fête à Sylvain. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous continuons cette émission spéciale Fête de la Science et c'est au tour donc de Sylvain Guilbeault de faire sa fête. Chez vous Sylvain, la grosse fête c'est le laser show, on pourrait dire, hein, ça vous fait plaisir. Plus précisément cette semaine de prix Nobel, le prix Nobel de physique de l'an dernier qui a été remis pour les travaux sur les lasers. Absolument, et notamment à Donna Strickland, donc la physicienne canadienne, et Gérard Mourou, physicien français, qui ont tous les deux reçu le prix Nobel de physique 2018 pour une technique qui a permis de réussir à produire des impulsions laser à la fois puissante et courte dans le temps. Et ça, c'est une invention qui date des années 80 et qui a permis vraiment l'évolution grandissante de pouvoir explorer la matière grâce à ces lasers, avec des intensités inédites jusque-là. Parce qu'il y avait effectivement un problème sur les lasers, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des lasers qui allait très loin mais qui n'était pas très puissant ou très court et plus fort, mais il y avait un problème en fait à un moment donné de cohérence. Absolument. En fait, le laser, c'est une invention qui a à peine plus de 50 ans. 1960, Maimon, le physicien américain, produit en laboratoire le premier laser. Et à partir de là, en fait, c'était une invention un peu inattendue. Finalement, c'était une invention. Les physiciens, au départ, ne savaient pas trop quoi faire avec le laser. C'était la blague de l'époque dans les laboratoires de physique, c'était de dire « Ah oui, on a la solution, mais on n'a pas le problème. » Et les applications se sont assez rapidement multipliées. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas vraiment un domaine de la science et même de la vie de tous les jours dans lequel on ne trouve pas plus ou moins un lien avec des lasers. Dans les téléphones portables, on peut trouver des lasers, et les pointeurs lasers, les télécommunications optiques qui passent aujourd'hui dans les fibres optiques sous les océans, ce sont des faisceaux lasers qui se propagent dedans, etc. Au début des années 60, les progrès dans les lasers sont assez rapides, mais effectivement, comme vous l'avez dit, à un moment, il y a une stagnation dans la puissance à laquelle on peut mettre dans une impulsion laser. Pourquoi ? Effectivement, prenez une énergie donnée. Avec une même énergie, vous pouvez faire des impulsions de différentes puissances. Pour ça, il suffit de changer la longueur de cette impulsion. Plus vous avez une impulsion qui est courte, avec la même énergie, plus avoir l'intensité qui est grande. C'est un peu comme si vous aviez une boule de pâte à modeler, que les dimensions de la boule de pâte à modeler représentaient d'un côté la durée de l'impulsion et de l'autre côté la puissance de l'impulsion. Si vous appuyez, comprimez votre boule de pâte à modeler sur les côtés, et ben elle augmente en taille dans l'autre direction. Si vous diminuez la durée de l'impulsion d'une impulsion laser, et bien sa puissance augmente. Et l'intensité, finalement, c'est la puissance rapportée à l'unité de surface. C'est-à-dire que si on arrive à focaliser sur une petite distance, eh bien l'intensité augmente d'autant plus. Le problème, c'est effectivement quand on a des grandes intensités dans un matériau amplificateur qui sert à créer cette lumière laser, eh bien il se produit ce qu'on appelle des effets non linéaires. C'est-à-dire que localement, la lumière ne va pas se propager à la même vitesse. Et du coup, dans ce matériau, le fait que la lumière ne se propage pas à la même vitesse localement, c'est-à-dire que l'onde laser se déforme et localement va pouvoir se focaliser à des petits endroits du matériau, l'échauffer, voir si c'est un matériau solide, le casser. Et dans ces cas-là, l'amplificateur laser devient inutilisable. Donc c'est à ce problème-là que se heurtaient les physiciens jusque dans les années 80. Et l'idée justement de ces deux prix Nobel, de Nasri Kland et Gérard Mourou, ça a été de dire, ok, on veut des impulsions qui soient à la fois courtes mais puissantes. On ne peut pas amplifier directement une impulsion courte au risque de produire ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire de casser le laser. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amplifier une impulsion avec la même énergie, mais du coup plus étalée dans le temps. Et donc, il va falloir étaler cette impulsion avant de l'amplifier. Et c'est justement le système qu'ils ont eu l'idée d'utiliser, c'est de finalement d'étirer temporellement une impulsion laser. Pour cela, ils utilisent un système justement de ce qu'on appelle utiliser le fait que la lumière peut se propager à des vitesses différentes dans certains matériaux, ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. C'est par exemple, vous avez déjà vu ces images, au moins ces images, voire si vous avez eu la chance de voir en vrai un prisme. Lorsque vous envoyez de la lumière par rapport dans un prisme, il ressort de la lumière blanche, il ressort de la lumière de toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle la dispersion. Mmh. C'est justement dû au fait que les différentes longueurs d'onde de la lumière se propagent à des vitesses différentes dans le verre. On l'a tous vu sur la couverture de l'album de Pink Floyd, Absolument. The Face of the Moon. Voilà. Tout à fait. C'est cette couverture-là. Mmh. Et d'ailleurs, donc c'est effectivement au départ, on peut très bien utiliser des prismes d'ailleurs pour cette expérience. Bon, aujourd'hui, les physiciens utilisent plutôt ce qu'ils appellent des réseaux de diffraction, mais c'est exactement la même chose. De la lumière blanche est dispersée dans ces différentes composantes de couleurs, de fréquences. Et donc, en utilisant ce système, on disperse donc une impulsion, on l'étire temporellement, vraiment. Toutes les couleurs vont être séparées temporellement. Donc, et ensuite, donc comme l'impulsion est plus longue, on peut cette fois l'amplifier sans risquer de casser le précieux laser. Puis, on utilise le même système qu'on a utilisé pour étirer l'impulsion, pour cela la recomprimer. Et donc cette fois, l'impulsion retrouve sa durée de départ, mais avec une intensité beaucoup plus grande. Et là, c'est grâce à ce système que, techniquement, on appelle ça CPA, mais qu'on arrive à... Chirp Pulse Amplification. Absolument. Mais pourquoi chirp, d'ailleurs? Parce que chirp, c'est pour l'image du gazouillis d'oiseau. Pourquoi cette image-là? Oui, la traduction française est dérive de fréquence, mais c'est vraiment l'idée que vous avez étiré cette impression, qui est du coup composée de multiples fréquences mises les unes à la suite des autres temporellement. C'est l'idée de chirp, de gazouillis. C'est un peu cette idée de gazouillis, si on le transposait dans le domaine du son. C'est-à-dire que les fréquences les plus élevées viendraient en premier et les fréquences les plus longues en dernier, ou l'inverse, j'avoue, là, j'ai pas fait On vérifiera, vous n'en faites pas. Voilà, c'est l'idée d'avoir des fréquences élevées, puis ensuite des fréquences plus basses. Voilà, vous venez d'avoir un gazouillis de Sylvain Guilbeault, et si ça, c'est pas la fête, je sais pas ce que c'est que la fête. Un mot rapidement, peut-être, Sylvain, juste sur les applications, avec cette petite image qui va vous remplir de joie et vous mettre des images mentales absolument délicieuses dans la tête, puisque, en fait, au début, que faire avec ce laser, on savait pas trop quoi, et jusqu'au jour où il y a, un interne qui s'est pris un coup de laser dans l'œil et qui était terrifié. Oui. Et ils se sont rendu compte qu'en fait c'était super, c'était vraiment très pratique. Oui. Quand ils devaient découper la cornée, hyper net. Quand les chercheurs sont allés, parce que bon, quand on travaille des lasers, il y a fréquemment les chercheurs sont en contact avec des ophtalmos pour faire régulièrement des bilans de leurs yeux. Et donc ils sont allés voir leur ophtalmo qui a examiné effectivement la rétine de ce pauvre étudiant qui s'était pris un faisceau laser. Et du coup, ils se sont rendu compte que l'impact était vraiment très net. C'est-à-dire, il y avait le point du faisceau laser sur la rétine, mais autour, intact. Alors que avec les lasers précédents, eh bien, ça faisait des grosses taches, c'était assez moche, et c'était très, très douloureux et très handicapant. Voilà. Bon, ça reste toujours handicapant de se prendre un laser dans l'œil, hein. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça à la maison. Voilà. Attention. Mais du coup, effectivement, c'est très net parce que l'impulsion est tellement courte que la chaleur n'a pas le temps de se propager aux environs. Et c'est cet effet qu'on utilise aujourd'hui dans les chirurgies ophtalmiques pour, par exemple, être capable de découper, de modeler la cornée pour corriger par exemple la myopie ou l'hypermétropie, sans effectivement endommager tout l'œil. Et on va en arriver à notre carte postale que je vais laisser Marion Montaigne comme d'habitude tirer. Il faut tirer cette carte postale, Marion, dans le grand bocal. Il faudrait une musique de bocal. On n'avait pas prévu une musique de tirage de carte postale. C'est une question qui vous a été posée cette semaine, Sylvain, par DTJ01. Oui, c'est un nom poétique comme on les aime sur Twitter. Et qui pose cette question, Sylvain. Comme certaines théories quantiques supposent plus de trois dimensions, La téléportation quantique d'informations instantanées sur de grandes distances peut-elle respecter la contrainte de l'infériorité à la vitesse de la lumière si l'information passe par ces dimensions supplémentaires? Grosso modo, si je devais résumer, est-ce qu'on peut prendre des raccourcis par des dimensions supplémentaires? C'est un peu ça. Marion Montaigne est absolument affolée. Et si je vous demande de résumer cette question, Marion, comment la résumeriez-vous? Je sais pas. Oui, alors déjà, il y a trois aspects dans la question. Il y a l'aspect de la contrainte de la relativité sur, effectivement, est-ce que quelque chose peut aller plus vite que la lumière. Il y a la question de la téléportation quantique, quand même. Est-ce que la question de l'information, transmettre de l'information. Et il y a la question des dimensions supplémentaires. C'est un peu une sorte de baba au rhum avec plein de, plein de surcouches de crème. Je vous remercie beaucoup de m'avoir fait jouer cette question. C'est DTJ01 que l'on salue au passage. Merci beaucoup. Et donc, pour le premier aspect, c'est vrai que la relativité, la théorie de la relativité pose une contrainte sur le fait qu'il y a une vitesse maximale dans le cosmos, on va dire. Il se trouve que cette vitesse maximale est la même vitesse que celle de la lumière, mais il se trouve qu'on ne peut pas dépasser cette vitesse maximale au risque de créer certains problèmes, notamment des paradoxes temporels. Si on pouvait voyager plus vite que la lumière, on pourrait retourner dans le passé. Voilà. On pourrait retourner dans le passé. Mais parce que ces histoires de relativité, c'est toujours contre-intuitif. On se tape toujours la tête contre un mur quand on essaye d'expliquer ces notions ou de les comprendre. Peut-être, on s'imagine aussi que c'est des choses qui nous sont complètement éloignées de nous-mêmes. Mais l'idée de base de la relativité, c'est de dire que notre espace-temps a quatre dimensions, trois dimensions d'espace, une dimension de temps, ce qu'on appelle l'espace-temps. Et finalement, on ne peut pas vraiment séparer ces quatre dimensions les unes des autres. Bien sûr, dans notre vie de tous les jours, on fait très bien la différence entre ce qui est du temps et ce qui est l'espace. C'est pour ça qu'on a mis si longtemps à développer la théorie de la relativité, tellement elle était contre-intuitive. Mais pourtant, si nous sommes tranquillement immobiles, assis sur les chaises dans ce studio, les auditrices ou les auditeurs sont sans doute assis immobiles, certains immobiles dans leur canapé, ils ont l'impression de ne pas se déplacer. Pourtant, on se déplace tous dans le temps. Bien sûr, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, peut-être dans leur voiture, eux, ils se déplacent en plus dans l'espace, en plus de se déplacer dans le temps. Mais eux qui se déplacent dans l'espace, par rapport à nous, eh bien, on va voir, nous, observateurs extérieurs à eux, que leur temps semble pour nous se dérouler plus lentement que le nôtre. Leur temps semble diminuer, leur vitesse d'écoulement dans le temps semble être diminuée, alors que leur vitesse dans l'espace a augmenté. Il y a un compromis entre ces deux notions de vitesse de déplacement dans le temps et de vitesse de déplacement dans l'espace. Et donc, l'ensemble forme un tout avec une vitesse maximale qu'on ne peut pas dépasser. Mais alors, la question, c'est est-ce que s'il y a des dimensions supplémentaires, puisque, après tout, si on regarde la théorie des cordes, on peut monter jusqu'à 11 dimensions, est-ce que l'information pourrait emprunter ces dimensions supplémentaires comme un raccourci? Je pense que c'est le sens de la question. Oui, tout à fait. Alors, moi, la réponse rapide, c'est non. Merci, au revoir. Décidément, ça fait, on pourrait aller. Mais bien sûr, j'avoue qu'il peut y avoir des surprises, parce que ça voudrait dire que, d'une façon ou d'une autre, si on arriverait à transmettre de l'information plus vite que la lumière, eh bien, on brise cette règle de la théorie de la relativité générale. Et donc, c'est problématique, parce que c'est vraiment la base de cette théorie. Ça voudrait dire qu'on comprendrait plus grand chose à cette théorie. Or, le but des théories qui proposent des dimensions supplémentaires, comme la théorie des cordes, c'est justement d'essayer de dépasser la relativité générale. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter les principes de base de cette théorie. Et c'est pour ça que tous les physiciens qui proposent des dimensions supplémentaires essaient dans leur article de montrer, bon, quand même, on respecte cette contrainte de base de la relativité générale. Mais après, bien sûr, tout est ouvert. Les théories les plus folles, pourquoi pas, sont possibles. Après tout, la théorie de la relativité générale dépasse déjà beaucoup notre intuition. Marie Montaigne, à résumer maintenant tout de suite, en moins de 50 lignes. J'essaie de relier ça avec les pieds et la tête plus vieille que les pieds. J'y arrive pas. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Cécile Lestienne, à une, deux pour la science. Vers une nouvelle théorie de l'infini, l'hypothèse du continu bientôt prouvée. À la une de la recherche, Sylvain. Eh bien, la maladie d'Alzheimer, les derniers progrès pour tenter de comprendre la maladie. Et Marion Montaigne, du coup, le prochain tome, ce sera le 30 octobre. Alors, 30 octobre, et je précise que la fête de la science continue dans les dom tomes du 9 au 17. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle que c'est ce soir le dernier épisode du À voix nue du camarade Antoine Beauchamp, ce portrait en 5 fois, une demi-heure de l'ex-administrateur du Collège de France, le neurobiologiste Alain Prochian. Évidemment, vous pouvez retrouver ça sur franceculture.fr. www.lemonde.fr ainsi qu'en podcast. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Laurie Vachon à la technique. La semaine prochaine, c'est encore la fête comme toutes les semaines sur France Culture. Lundi, nous parlerons des addictions et notamment des addictions virtuelles. Mardi sera question de la Pangée. Mercredi, nous parlerons de la fameuse suprématie quantique qu'aurait atteint Google. Jeudi, nous parlerons de paléo-cannibalisme. Et vendredi, c'est ce vendredi fiction tant attendu depuis si longtemps. Après 4 saisons de La Méthode Scientifique, nous parlerons enfin pendant une heure de Battlestar Galactica. On se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.